Enseignement par le vénérable Sayadaw Unnanu Jota, retraite de méditation Vipassana 2018, centre d'Amarancy. L'enseignement portera sur Satipatthana et plus spécifiquement sur les trois Sikkhas, les trois entraînements. Quel est votre but lorsque vous venez ici, lorsque vous pratiquez cette méditation Satipatthana? Emmanuel répond à la question de Sayadaw en disant que si elle vient ici, c'est pour devenir une personne meilleure. Sayadaw trouve la réponse excellente. En effet, c'est pour devenir meilleur que l'on vient ici et qu'on apprend à méditer. Ce mot « meilleur » a une signification très large. Pour parler simplement, on pourrait dire que si vous êtes venu ici pour pratiquer la méditation Satipatthana, c'est dans le but de trouver la paix, de calmer les feux internes, le bouillonnement de l'esprit et du corps. Si vous êtes venu ici, c'est pour trouver justement ce calme et cette paix. Le Bouddha explique que le corps brûle en permanence. Il brûle à cause des kilesas, les pollutions mentales, et il y a trois sortes de kilesas. Le premier type de kilesas, c'est Vitekama kilesa. Le deuxième type, c'est Paryutana kilesa, celles qui n'apparaissent que dans l'esprit. Et le troisième type, c'est Anusaya kilesa. Par ailleurs, le Bouddha a expliqué les trois Sikkhas, les trois entraînements. Il y a tout d'abord l'entraînement à la moralité, Sila Sikkha, Samadhi Sikkha, l'entraînement à la concentration, et Panya Sikkha, l'entraînement à la sagesse. Si nous développons ces trois entraînements, ils vont pouvoir calmer les trois types de kilesas. Ces kilesas ou impureté mentale, pollution mentale qui nous brûle en permanence. C'est la méditation Vipassana qui va nous permettre de les développer. Samadhi Sikkha, l'entraînement à la concentration, va avoir pour résultat que les feux de Paryutana Kilesa, des Kilesa qui se manifestent dans l'esprit uniquement, seront progressivement calmés. Le premier type de kilesa, c'est donc Vitekama kilesa. On les appelle également les kilesa grossières, les impuretés grossières. Les kilesa grossières, Vitekama kilesa, sont les pollutions qui se manifestent extérieurement par un acte ou par une parole. Elles nous brûlent en permanence. Le respect des préceptes moraux, autrement dit le développement de Sila Sikkha, l'entraînement à la moralité, va nous protéger contre ce premier type d'impureté, celle qui se manifeste extérieurement par un acte ou par une parole. Il y a par exemple le fait de tuer, le fait de voler, le fait de se méconduire sexuellement, tout cela ce sont des actions négatives des Vitekama Kilesa. Pour éviter de les laisser se manifester en vous, se produire, il faut développer Sila Sikkha, l'entraînement à la moralité. Le fait de respecter les 9 préceptes, comme vous le faites ici, ou tout simplement les 5 préceptes de base, va empêcher l'apparition de ce type de kilesa, de ce type de pollution mentale. Le deuxième type de kilesa, Paryutana kilesa, les pollutions qui ne se manifestent que dans l'esprit, sont invisibles. Mais vous, vous les sentez car elles sont présentes dans votre esprit. Ces Paryutana kilesa, ces pollutions qui ne se manifestent que dans l'esprit, pourront être combattues par l'entraînement à Samadhi, la concentration. Ce n'est que par la concentration qu'on empêche l'apparition de ce type d'empêchement dans l'esprit. Elles ne peuvent donc être combattues que par la pratique de la méditation. Sayadaw le répète encore une fois, les Pariyutana Kilesa, le deuxième type d'impureté, celles qui ne se manifestent que dans l'esprit, ne peuvent être combattues et anéanties que par la pratique de Samadhi, et vous développez Samadhi lorsque vous pratiquez Vipassana. Samadhi, la concentration, se développe lorsqu'on pratique Vipassana. Il est possible, par exemple, qu'au cours de votre méditation Vipassana, vous ayez des pensées et que ces pensées génèrent des émotions, comme par exemple de la colère, de la jalousie, le désir de vous méconduire sexuellement, etc. Tous ces états d'esprit, toutes ces émotions apparaissent dans votre esprit, mais elles ne se manifestent pas par un acte ou par une parole extérieure. Ces choses n'apparaissent donc que dans l'esprit. Pensez-vous que si elles restent confinées à l'esprit, vous transgressez vos préceptes moraux? Your mind is the broken because you cannot set up the concentration. Votre esprit est alors pollué, et un esprit pollué n'atteint pas la concentration. Tant que vous penserez à ces choses, votre esprit restera pollué. Ceci explique donc le deuxième type de kilesa, Pariyutana kilesa, celle qui ne se manifeste que dans l'esprit. Et ce type d'impureté se combat par la pratique de Samadhi, Samadhi Sika, l'entraînement à la concentration. Lorsque vous pratiquez Vipassana, vous développez votre concentration. Sayadaw voudrait savoir si ce type d'impureté se manifeste parfois dans votre esprit au cours de votre méditation. Y a-t-il quelqu'un qui aurait l'honnêteté de le reconnaître parmi vous? Are they happening? Oui, effectivement, ces choses apparaissent souvent dans l'esprit. Et lorsque vous serez rentré chez vous, ce sera encore beaucoup plus souvent le cas. Ce n'est que par la pratique de Samadhi, Samadhi Sika, l'entraînement à la concentration, que vous pourrez vous protéger contre ce type d'impureté, les Pariyutana Kilesa, celles qui ne se manifestent que dans l'esprit. Quant au troisième type d'impureté, les dispositions latentes, les schémas de comportement, appelés en pali Anusaya Kilesa, elles ne ressemblent pas aux deux premières Kilesa. Il est impossible de les voir car elles ne se manifestent pas extérieurement par un acte ou par une parole. Elles ne sont pas non plus visibles dans l'esprit car elles n'apparaissent pas dans l'esprit. Elles sont latentes, dormantes au plus profond de vous-même. Elles ne vont devenir actives, visibles, que si les conditions sont là pour qu'elles le deviennent, que si l'occasion se présente. Lorsqu'elles seront devenues actives, elles vont se manifester dans l'esprit d'abord, et vous pourrez alors les combattre par la pratique de Samadhi, Samadhi Sika. Le Bouddha explique donc qu'il y a ces trois types d'impureté, Vitekama Kilesa, Pariyutana Kilesa et Anusaya Kilesa. Ces trois types d'impureté vont pouvoir être combattus par les trois entraînements, les trois Sika. Sila Sika combat Vitekama Kilesa, Samadhi Sika combat Pariyutana Kilesa et Panya Sika combat Anusaya Kilesa. Les préceptes moraux combattent les impuretés grossières, la concentration combat les impuretés de l'esprit et la sagesse combat les impuretés latentes. ces trois entraînements, autrement dit ces trois remèdes, vont vous permettre de vous protéger contre les trois types d'impuretés. Le Bouddha a comparé les kilesas à des maladies, et à chaque maladie, il a proposé un remède. Il propose trois remèdes correspondant à ces trois types de maladies. Le Bouddha est le médecin par excellence qui propose des remèdes. Lorsque vous pratiquez la méditation Satipatthana, vous essayez d'être conscient de tout ce qui se manifeste en vous à chaque instant. Vous notez le plus possible tout ce qui se passe dans l'esprit, tout ce qui se passe dans le corps. Lorsque vous faites cela, vous développez l'entraînement à la concentration. Vous prenez le remède de Samadhi Sika, le remède qui consiste à développer la concentration et qui permet de se débarrasser du deuxième type d'impureté. Vous devez donc savoir que si au cours de la méditation, Satipatthana, vous vous efforcez de noter dans l'instant présent tout ce qui se manifeste, vous développez effectivement ce deuxième entraînement, l'entraînement à la concentration. Autrement dit, vous prenez le remède proposé par le Bouddha. Et grâce à ce remède, ce type d'impureté va se raréfier et finalement disparaître de votre esprit. Efforcez-vous donc au cours de votre pratique de noter le plus possible sans interruption. Si vous maintenez votre attention par exemple sur les mouvements de l'abdomen, que vous réussissez à les voir du début à la fin sans discontinuer, vous développez ce deuxième entraînement, l'entraînement à la concentration. Essayez d'être toujours conscient de tout ce qui se manifeste à chaque instant dans le corps et dans l'esprit et notez ces choses avec effort et courage. Si par exemple vous réussissez à observer le mouvement de soulèvement sans interruption, que ce mouvement dure à peu près 2 ou 3 secondes, ensuite vous observez pendant 2 ou 3 secondes le mouvement d'abaissement sans discontinuer, il est impossible que quelque chose d'autre pénètre dans votre esprit, car il est monopolisé par l'observation de ces deux mouvements sans interruption. On peut dire alors que vous développez Samadhi Sika, l'entraînement à la concentration. Et lorsque vous observez par exemple le mouvement de soulèvement de l'abdomen, il faut que votre attention se précipite sur l'objet. Elle doit le saisir dès son point de départ. L'esprit doit s'appliquer à l'objet dès son apparition. On compare un tel esprit, une telle attention, à une pierre qu'on lancerait sur un plan d'eau. Si vous jetez une pierre sur un plan d'eau, elle va s'y enfoncer instantanément et rapidement. Elle va couler et atteindre très vite le fond. C'est de cette façon que vous devez observer les objets. Vous devez les saisir dès leur apparition et les pénétrer profondément. Votre attention doit adhérer, coller à l'objet. Par contre, si vous jetez un bouchon sur ce même plan d'eau, ce bouchon de liège va flotter à la surface. Il ne va pas s'enfoncer. Votre esprit, votre attention ne doit pas avoir cette qualité de flotter à la surface de l'objet. Il faut qu'elle s'y enfonce et qu'elle y adhère profondément. Une des caractéristiques de Sati l'attention, c'est qu'elle doit être continue, elle doit se maintenir sans interruption. Lorsque vous observez le mouvement de soulèvement de l'abdomen, vous devez l'observer du début à la fin du processus sans interruption. L'attention doit être continue, il ne faut pas qu'il y ait des interruptions d'attention. Pour développer une telle attention, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir de la vigueur, il faut que l'esprit soit très alerte. Et ce sera la même chose au moment de la marche. Vous devez observer les phases du pas avec cette même qualité d'attention. Vous voyez le mouvement d'élévation qui débute. vous en prenez conscience et vous maintenez votre attention très vigilante jusqu'à ce que le mouvement se termine. Il ne faut pas qu'il y ait des interruptions d'attention. Vous devrez également vous montrer très vigilant, très énergique et très enthousiaste lorsque vous pratiquez ainsi la méditation. Cet enthousiasme pour la pratique que vous devez essayer de développer ressemble à l'enthousiasme que vous avez lorsqu'après une journée de travail harassant, vous rentrez chez vous. Vous êtes heureux de rentrer chez vous. Lorsque vous observez les objets pendant la méditation, que ce soit l'abdomen ou les mouvements du pas lors de la marche, essayez donc de le faire avec énergie, avec enthousiasme et avec un esprit très éveillé. Nous devrions nous comporter comme l'araignée qui se tient immobile au centre de sa toile. Dès que quelque chose vibre sur la toile, elle le sent, elle court voir de quoi il s'agit et elle attaque cet insecte. Le méditant se maintient immobile et observe son abdomen. Dès que quelque chose vibre dans le corps ou dans l'esprit, il court voir de quoi il s'agit et il note cet objet. Si vous vous comportez ainsi pendant la méditation, vous allez progressivement noter de plus en plus d'objets avec attention, avec énergie et enthousiasme, et votre samadhi, votre concentration va se développer. À chaque moment d'attention, samadhi est là. Les pariyutana kilesa, les kilesa du second niveau, celles qui ne se manifestent que dans l'esprit, seront alors temporairement éradiquées. En développant sila sika, l'entraînement à la moralité, vous vous protégez des impuretés du premier niveau, les impuretés dites grossières, vitekama kilesa, celles qui se manifestent extérieurement par un acte ou par une parole négative et qui vont faire apparaître ce type de kilesa. En pratiquant le deuxième entraînement, samadhi sika, vous essayez d'être attentif sans interruption aux différents objets qui se manifestent en vous et vous empêchez ainsi l'apparition de ce deuxième type d'impureté, les pariyutana kilesa. Samadhi sika, l'entraînement à la concentration, nous protège donc contre pariyutana kilesa. Nous qui sommes ici, nous essayons d'empêcher l'apparition de ce deuxième type d'impureté, pariyutana kilesa, en nous efforçant de noter le plus possible tout ce qui se manifeste à chaque instant à l'intérieur de nous. Dès que nous notons un objet de façon correcte, avec attention, nous pouvons nous dire que les pariyutana kilesa, les kilesa qui se manifestent dans l'esprit, n'ont aucune chance d'apparaître en nous. Ceci se passe à chaque moment d'attention authentique, par moment d'attention. Vous allez travailler ainsi, développer de plus en plus samadhi sika, l'entraînement à la concentration, et un jour viendra où cet entraînement aura atteint sa perfection et vous allez pouvoir développer le troisième entraînement, panyasika, l'entraînement à la sagesse. Vous serez devenu un être noble. Vous vous souviendrez sans doute de l'enseignement sur les qualités du Bouddha, Buddha Nusati, la contemplation des qualités du Bouddha. Nous avons vu qu'il en avait 9 et parmi ces 9, il y a le fait que le Bouddha s'est débarrassé de toute forme de kilesa. Il n'en reste aucune trace. Vous comprenez maintenant de quoi il s'agit vraiment. Il s'est débarrassé entièrement des 3 types de kilesa. En ce qui nous concerne, nous pratiquons le premier entraînement, sila sika. Nous pratiquons le deuxième entraînement, samadhi sika. Nous nous efforçons de développer ce deuxième entraînement, d'empêcher l'apparition des pariyutana kilesa dans notre esprit. Nous nous entraînons et un jour viendra où cet entraînement sera devenu suffisamment puissant pour faire apparaître le troisième entraînement, Panyasika, l'entraînement à la sagesse. Ce troisième empêchement va vous permettre de vous débarrasser définitivement et totalement des kilesa en s'attaquant au anusaya kilesa, les kilesa latentes. Lorsque ce sera devenu une réalité pour vous, vous serez devenu un être noble. On peut donc dire que notre but, à nous tous, lorsque nous pratiquons la méditation, c'est d'atteindre cet état de noblesse, de devenir un Arya, un être noble. Mais il faudra pour cela que votre Samadhisika ait été développé et que vous ayez atteint des niveaux avancés. Vous commencez donc par développer Silasika, l'entraînement à la moralité. Elle va vous mener automatiquement à Samadhisika, l'entraînement à la concentration. Essayez de faire l'effort de développer ce deuxième entraînement. Chaque jour, faites l'effort d'être attentif à tout ce qui se manifeste en vous et notez à l'instant même où ces choses se manifestent. Lorsque vous aurez pris du rythme dans votre méditation, qu'elle se sera développée, que vous aurez atteint les stades avancés de concentration, automatiquement et tout naturellement, Panyasika va se présenter. Et ceci va vous permettre d'atteindre l'état de noblesse. Vous aurez réalisé votre but dans la méditation vipassana et serez devenu un être noble. Sadhu, sadhu, sadhu. Actually, one person.